Nous sommes donc dans le temps ordinaire, c'est pourquoi je suis habillé en vert aujourd'hui. Ça ne veut pas dire un temps plate, mais ça veut dire qu'après tous ces temps liturgiques intenses que nous avons vécu, carême, temps pascal, et puis les grandes solennités de la Pentecôte, de l'Eucharistie, du Sacré-Cœur, de la Trinité, nous sommes en fait dans le temps pentecostal. Dans l'ancienne liturgie, on désignait les dimanches ordinaires, les dimanches après la Pentecôte, pour signifier que l'Église vit depuis 20 siècles de ce Big Bang spirituel qui a véritablement fondé l'Église, ce mystère de l'effusion de l'Esprit dont nous continuons de vivre, cet Esprit qui nous a attirés ici ce soir, et cet Esprit qui souffle à travers tous les signes de la liturgie, les différents ministères, les charismes et les services. Donc nous sommes dans ce temps de la Pentecôte, ce temps extraordinaire, et nous lisons cette année, qui est une des trois années de notre cycle liturgique, année A, nous lisons l'évangile de Matthieu. Matthieu est un évangéliste qui avait un souci pédagogique. Il a construit son évangile d'une manière très didactique, c'est-à-dire facile à comprendre et à étudier. Il l'a constitué essentiellement de cinq discours. Le premier, le plus célèbre, le discours sur la montagne, « Heureux les cœurs de pauvres » qui commence avec les béatitudes. Et aujourd'hui, nous sommes dans une section du deuxième discours, le discours missionnaire. Jésus a envoyé ses apôtres, déjà ils ont fait l'expérience de la mission, et il parle non seulement à ceux qui font cette expérience, mais à ceux qui la feront, c'est-à-dire à nous. Car l'Église, nous dit le pape Paul VI, existe pour évangéliser. C'est cela le temps pentecostal, c'est en fait l'Esprit-Saint qui continue de réaliser les gestes et les paroles du Christ à travers les siècles, tous les continents, les cultures et les civilisations. Donc, comme apôtres, comme envoyés, nous sommes identifiés au Christ et nous aurons à vivre des épreuves similaires pour bénéficier avec lui de la gloire de son Père. Donc Jésus nous dit, ne craignez pas les hommes, rien n'est voilé qui ne sera dévoilé, rien n'est caché qui ne sera connu. Sans doute qu'au moment où Jésus parle, eh bien, il signifie la question de son identité qui reste voilée. Voilée jusqu'au moment où le Christ sera glorifié, c'est-à-dire qu'avant sa mort et sa résurrection, il n'y avait pas de révélation plénière de son identité. Même les apôtres n'ont pas bien compris qu'il était le Messie, le Fils du Dieu vivant, Dieu fait homme, et que par sa mort et sa résurrection, il allait non seulement réconcilier Israël avec son Créateur, mais toute l'humanité. Il faudra l'effusion de l'Esprit pour que les apôtres comprennent la vraie nature du Christ, qui est divine. Or, pour comprendre la nature divine, il faut être participant de la nature divine. Et pour cela, il faut recevoir l'Esprit-Saint. Nul ne peut dire « Jésus-Christ est Seigneur » s'il n'a reçu l'Esprit-Saint. Donc, il y aura un moment où ce qui a été dit discrètement, a été voilé, sera proclamé avec force. Et on le voit le jour même de la Pentecôte, Saint-Pierre va se mettre debout et dire « Ce Christ que vous avez crucifié, Dieu l'a fait Seigneur et Christ par sa résurrection, et il n'est pas d'autre nom sous le ciel qui nous est donné par lequel nous puissions être sauvés. » Donc, il n'y a rien de plus explicite que cette proclamation ou ce kérigme, kérigma en grec qui signifie « message » ou « proclamation ». Ne craignez pas ceux qui tuent le corps sans pouvoir tuer l'âme. Craignez plutôt celui qui peut faire périr dans la gélène l'âme aussi bien que le corps. Donc Jésus, ici, nous invite à regarder vers le ciel. Il nous dit que l'âme est plus importante que le corps, même si ce corps est appelé à ressusciter et à participer à la gloire. Et il nous dit en même temps que notre Père, curieusement, veille sur chacun de nos cheveux. En ce qui me concerne, c'est pas très compliqué. Mais une manière de dire qu'il y a une tendresse qui nous accompagne, une tendresse mystérieuse, qui n'est pas une garantie contre la souffrance ou même contre la mort, mais une garantie que nous serons héritiers avec le Christ dans la gloire d'un bonheur sans mesure. Saint Paul dit dans la deuxième lettre aux Corinthiens, « La plus petite souffrance nous prépare une masse incomparable de gloire. » Il dit « Quel trésor de gloire renferme son héritage parmi les saints. » Donc c'est un regard eschatologique. Jésus nous demande de regarder vers le but final. Je suis allé voir l'exposition au Musée du Québec sur le destin fabuleux des peintures des frères Desjardins. Et ce qui m'a frappé dans cette iconographie, c'est la masse que représente le monde céleste, sa puissance, sa luminosité par rapport au monde terrestre, qui est toujours représenté d'une manière assez sombre et fragile. Il y a comme une prépondérance du monde divin, de l'au-delà, et qui montre une certaine spiritualité. C'est-à-dire que le christianisme d'une autre époque était beaucoup plus tendu vers l'au-delà qu'aujourd'hui, où il y a une tentation d'en faire une éthique de l'épanouissement. Dieu veut qu'on s'épanouisse, qu'on soit heureux, etc. C'est vrai, mais notre vrai bonheur, notre bonheur définitif, eh bien, il nous est réservé dans les cieux avec le Christ. Je voudrais vous lire un témoignage qui illustre à merveille ces paroles de l'Évangile, parce que cette semaine, nous avons fait mémoire de deux grands saints anglais, Saint John Fisher et Thomas More, qui sont morts martyrs au XVIe siècle à cause de leur fidélité à l'Église catholique. En effet, le roi Henri VIII, qui n'avait pas de descendant de son épouse, de descendant mâle, voulait se débarrasser de cette femme pour en marier une autre, et le pape lui a dit non, il n'y aura pas de nullité de mariage. Alors ça l'a beaucoup indisposé, au point qu'il a nationalisé l'Église d'Angleterre. Il a décidé qu'il était le chef, et c'est encore le système qui prévaut. La reine est toujours chef de l'Église d'Angleterre. Thomas More et John Fisher se sont opposés en conscience contre cette usurpation, en fait. Et à cause de cela, Thomas More donc a été démis de son poste. Il n'était pas n'importe qui, il était chancelier du royaume, c'est-à-dire qu'il était le premier homme après le roi. Et donc son refus avait un caractère terriblement puissant au plan politique. Donc le roi a fait pression sur lui de toutes sortes de manières. Alors finalement, il l'a destitué, il l'a privé de ses biens, il l'a mis en prison, il l'a menacé de mort. Et voici ce que Thomas More écrit à sa fille dans la tour de Londres, où il attend son verdict, son sort, qui est entre les mains du roi. Il dit à sa fille Marguerite, « En effet, la grâce de Dieu m'a fortifié jusqu'ici. C'est elle qui m'a donné le courage d'abandonner mes biens, mes propriétés jusqu'à ma vie, plutôt que de jurer contre ma conscience. » C'est elle aussi, cette grâce, qui a suggéré au roi de me traiter avec clémence, puisque jusqu'à ce jour, il ne m'a pris que ma liberté. Par là, grâce à Dieu, Sa Majesté m'a procuré un plus grand bien, le progrès spirituel que je suis sûr de trouver ici, dans son cachot avec les rats. Cela vaut mieux que tous les honneurs et les richesses dont il m'avait comblé auparavant. Je ne peux donc manquer de confiance en la grâce de Dieu. Ou bien elle retiendra le cœur du roi pour qu'il ne me traite plus sévèrement, ou bien elle me donnera toujours les forces nécessaires pour supporter n'importe quelles épreuves, patiemment, courageusement et même joyeusement. On croirait entendre Saint Paul qui dit « Je peux tout avec celui qui me fortifie ». Même joyeusement, Thomas More en montant à l'échafaud parce qu'il sera décapité. Avait gardé le sens de l'humour, il avait dit « Aidez-moi à monter parce que pour descendre, ça ira tout seul. » Ma chère fille, je ne veux pas manquer de confiance en Dieu. Pourtant, je sens que la peur pourrait bien me submerger. Je me rappellerai que Saint-Pierre, à cause de son peu de foi, commençait à s'enfoncer sous un coup de vent et je ferai comme lui. J'en appellerai au Christ et lui demanderai son secours. Ainsi, j'espère qu'il me tendra la main, me saisira et ne me laissera pas m'enfoncer. Bref, ma chère, je suis absolument certain que, sauf péché de ma part, Dieu ne m'abandonnera pas. En toute espérance et sécurité, je vais donc me confier totalement à lui. Ma fille, garde un bon moral, ne te laisse troubler par rien de ce qui peut m'arriver en ce monde. Rien ne peut arriver sans que Dieu le veuille. Et tout ce qu'il veut, si mauvais que cela nous paraisse, est vraiment le meilleur. On voit vraiment briller la sainteté dans toute sa splendeur, cette sérénité de cet homme qui va, cette sérénité qui va le conduire et cette fidélité à sa conscience, sa fidélité à l'Église qui va lui coûter la vie comme un Jean-Baptiste témoin jusqu'au bout de l'alliance avec Dieu. Et on voit la sainteté dans cette confiance totale en Dieu, mais cette défiance de soi, cette conscience de sa fragilité, mais en même temps cette espérance inépuisable dans la miséricorde. Ne craignez pas ceux qui tuent le corps, craignez celui qui peut faire périr dans la géhenne l'âme aussi bien que le corps. Quiconque se déclarera pour moi devant les hommes, je me déclarerai pour lui devant mon Père qui est aux cieux. » Alors c'est évidemment un exemple héroïque, une sainteté à son sommet, on n'est peut-être pas rendu là, mais qui sait ce que la grâce de Dieu peut faire dans notre faiblesse? Peut-être qu'il y a parmi nous des gens qui ne se sentent pas l'étoffe des héros et des martyrs, mais que sait-on de ce que la grâce peut déployer dans notre faiblesse? On peut vaincre notre timidité, annoncer le Christ sans avoir peur, des fois avec imagination, quand c'est possible. Justement, quand je suis allé voir l'exposition, je suis devenu membre du Musée du Québec. Et donc la petite mademoiselle m'a demandé « Vous êtes membre ?» J'ai dit « Oui, je suis membre de Jésus-Christ. » Et j'ai dit « Et vous ?» Elle m'a dit « Non. » J'ai dit « Vous êtes baptisé ?» Elle a dit « Oui. » Ben, j'ai dit « Vous êtes membre de Jésus-Christ. » Ah. Et alors elle me dit « Ben, vous êtes membre, ça vous donne accès à toutes les expositions gratuitement, etc. » Ben, j'ai dit « Membre du Christ, vous avez la vie éternelle gratuitement, moyennant la foi. » Alors, c'est des petites occasions qu'on peut saisir. Je ne sais pas ce que ça a eu comme effet. Mais voilà, simplement saisir les occasions de rendre témoignage de notre Seigneur avec douceur et respect, mais parfois avec audace, en nous appuyant sur les saints qui nous ont précédés et qui nous montrent un exemple de générosité. Amen.